L'épreuve du feu nous libère si nous prenons la décision de réagir de la bonne façon. Bonjour, les ministères en contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Un papillon dansant dans l'air fait plaisir à voir, mais nous oublions souvent à quel point cette créature a dû se débattre avant de prendre son premier envol. Plusieurs types de papillons doivent s'éreinter pendant des jours pour se libérer finalement de l'étreinte de leur cocon. Mais si nous l'aidons à s'affranchir rapidement de sa captivité, nous le condamnerons à une mort certaine, car ce sont ses efforts pour se dégager qui préparent les ailes du papillon au vol. Charles Stanley nous rappelle que c'est en luttant contre le malheur que nous sommes affranchis du péché. Cette liberté nouvelle nous fait alors expérimenter nos plus grandes poussées de croissance spirituelle. L'émission d'aujourd'hui nous aidera à mieux comprendre la nature transformatrice de nos épreuves. Quelle est votre première réaction face à une nouvelle épreuve? Comme la plupart des gens, vous préféreriez sans doute être ailleurs, quitte à courir de toutes vos forces pour vous échapper de ce tracas supplémentaire. Votre réaction est tout à fait naturelle et normale. Mais Dieu ne répond pas de la même façon à notre épreuve et il se tient prêt à nous secourir au premier signe de notre part. J'ai observé au cours des ans un curieux phénomène. L'épreuve, qui semble détruire certaines personnes, sera pour d'autres une occasion de se développer. Je suis donc parvenu à cette conclusion. Ce n'est pas l'épreuve qui nous détruit ou nous développe, mais notre réaction face à cette épreuve qui nous fortifiera ou nous ruinera. C'est pourquoi l'émission d'aujourd'hui s'intitule « Nos épreuves ». Ouvrons notre Bible dans la première épître de Pierre. On se rappelle que l'apôtre écrivait cette épître à l'intention de gens qui vivaient de dures épreuves. Commençons notre lecture au chapitre 1, verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. » C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Avant même d'aborder la question des épreuves, l'apôtre Pierre nous rappelle que nous avons été sauvés par la grâce de Dieu, que nous sommes nés de nouveau et que nous avons obtenu un héritage impérissable et incorruptible dans les cieux. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce concept d'épreuve. Et si vous les méditez, je crois que vous serez alors en mesure de considérer vos difficultés, vos épreuves, sous un angle différent. Premièrement, le croyant doit s'attendre à traverser des épreuves au cours de son existence. En fait, vous pouvez vous y attendre même si vous n'êtes pas croyant. Les épreuves font partie de la vie. Ce qui nous amène à la question que plusieurs personnes se posent devant les épreuves. Pourquoi arrivent-elles? Quelle est la raison de toutes ces épreuves, de toutes ces peines et de tous ces désagréments de la vie? Après tout, si nous sommes nés de nouveau par la grâce de Dieu, si nos péchés sont pardonnés, si Christ est devenu notre vie, si le Saint-Esprit est venu habiter en nous, et si Dieu le Père nous accorde son amour inconditionnel, alors pourquoi toutes ces tuiles nous tombent-elles sur la tête? Nous devons questionner le passage que nous avons lu dans ce sens. Même si nous sommes forcés d'admettre que les épreuves font partie de la vie et que nous en subissons tous, quelle en est la raison? eh bien, nous devrions nous attendre à vivre des épreuves parce que nous vivons dans un monde déchu. Tout a commencé avec l'apparition du péché dans le monde. Les épreuves sont une des conséquences du péché. Nous pouvons donc nous attendre à vivre des épreuves simplement parce que nous vivons dans un monde pécheur. Et dans un monde rempli de péché, de méchanceté, de mal et d'infamie, nous pouvons nous attendre à souffrir. Dans un tel contexte, les épreuves ne doivent pas être considérées anormales, bizarres ou étranges, car elles cadrent avec le reste. Deuxièmement, nous pouvons nous attendre à faire face à de l'opposition, parce que nous sommes la cible d'attaques sataniques. Dans sa haine de Dieu, Satan vise spécifiquement chacun de ses enfants. Nous vivons sur un champ de bataille. Les deux factions opposées sont le royaume de Dieu et de la justice, d'une part, et le royaume de Satan et du mal, d'autre part. Nous vivons, présentement, dans un monde où Satan exerce une influence considérable. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous constituons un obstacle à ses ambitions. C'est pourquoi nous sommes l'objet de ses attaques. Mais la Bible nous encourage à ne pas nous alarmer ou nous inquiéter. Ces attaques sont tout à fait normales, puisque nous sommes des enfants de Dieu. Nous pouvons poursuivre notre lecture de l'Épître de Pierre au chapitre 5. L'apôtre nous lance ici un avertissement au verset 8, après nous avoir parlé des épreuves de la vie. Lisons ce verset. « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Le diable ne fait pas que nous chercher. Il veut nous dévorer. Les épreuves doivent donc faire partie de notre vie. Il en est aujourd'hui comme au jour de l'apôtre Pierre. Et comme l'or, nous pouvons nous attendre à être éprouvés par le feu. Cela signifie que nos épreuves peuvent devenir très intenses et extrêmement douloureuses et pénibles. Et nous serons parfois tentés, si nous n'y prenons pas garde, de dire « Seigneur, je n'en peux plus » et tout laisser tomber. Mais la question se pose encore, d'où viennent toutes ces épreuves? Je vais simplement mentionner trois ou quatre choses. Premièrement, nous avons déjà dit que nous ne devons pas être étonnés de faire face à de telles situations. Et même si nous ne comprenons pas toujours pourquoi elles arrivent, nous devons comprendre qu'il n'y a rien d'étonnant à ce qu'elles surviennent dans notre vie. Toutefois, nous pouvons quand même nous demander quelle est l'origine, la source de nos épreuves. Nous avons déjà identifié Satan comme une cause des épreuves que nous devons supporter. Regardons l'Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, si vous le voulez, versets 10 et 11. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable est un être rusé, trompeur et traître. Et au verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Nous avons donc un ennemi. Et une des causes de nos épreuves n'est nulle autre que Satan lui-même. Nous pourrions en rester là, et tout serait simple, mais nous ne pouvons pas le faire. Nos épreuves peuvent également trouver leur source en nous. Nous sommes parfois notre pire ennemi. Nous avons par exemple des désirs dans la vie, et ces désirs nous font parfois prendre des décisions qui manquent de sagesse. Quelqu'un peut se dire « Je veux avoir ceci et cela ». Et ses désirs sont plus forts que son pouvoir d'achat. C'est alors qu'il s'endette parce qu'il a permis à ses désirs de prendre le dessus sur la sagesse qui lui conseillait d'attendre. Ce ne sont pas seulement nos désirs, mais également nos décisions qui peuvent provoquer des problèmes dans notre vie. Bien sûr, le désir donnera naissance à une décision. Or, nous prenons quelquefois des décisions basées sur l'ignorance. Nous commettons parfois des erreurs, par exemple, car nous avons pris de mauvaises décisions. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas demandé conseil au Seigneur. Pourtant, il est écrit dans Proverbes 3, verset 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Nous devrions demander l'avis du Seigneur avant de prendre une décision. Il s'agit parfois d'un chuchotement rapide où nous demandons au Seigneur de nous indiquer la marche à suivre dans une situation en cours. En d'autres occasions, nous devrons prolonger nos prières pendant une longue période de temps devant une décision importante à prendre. Toutefois, la plupart du temps, il s'agit de ces petites choses temporaires qui nous posent problème. Et nous devons alors marcher constamment dans l'Esprit Saint pour être en mesure de prendre la bonne décision. Il arrive donc parfois que notre ignorance soit la cause de notre mauvaise décision. Et souvent, c'est simplement parce que nous n'avons pas demandé conseil au Seigneur avant de prendre notre décision. Si nous l'avions fait, cela nous aurait évité des épreuves. Nos épreuves sont quelquefois le résultat d'un mauvais conseil. Et si vous demandez conseil à une personne, à un ami par exemple, par rapport à ce que vous devriez faire, et s'il vous donne son avis, posez-vous cette question. Ce conseil est-il conforme à la parole de Dieu? Ou venez-vous d'entendre seulement ce que vous vouliez entendre, un conseil pour satisfaire la chair? Un sage conseil va toujours dans le même sens que la parole de Dieu. Et souvent, les gens suivent un mauvais conseil ou écoutent un avis qui manque de sagesse, s'occasionnant ainsi bien des soucis. Nous sommes parfois l'artisans de notre propre malheur. D'autres fois encore, la faute revient non pas à l'ignorance ou à un mauvais conseil, mais simplement au péché. Le péché dans notre propre vie sera parfois une source d'épreuve. C'est comme cela que tout a commencé avec Adam et Ève. Nous connaissons tous des gens qui vivent des épreuves, des difficultés, des peines à cause d'une décision regrettable qu'ils ont prise dans leur vie. Et cette décision les a plongés dans les embarras. Mais nous pouvons encore nous demander, n'existe-t-il pas une cause ultime à nos épreuves? Est-ce Satan? Est-ce à cause de nos propres erreurs? Mais nous devons aller plus loin, approfondir un peu plus la question. Nos épreuves pourraient-elles quelquefois tirer leur origine de Dieu? Je sais que plusieurs personnes se refusent même à considérer cette possibilité. Ils disent « Minute, je vis présentement une épreuve terrible qui me fait beaucoup souffrir et qui m'a déjà coûté très cher. Et vous voulez me dire qu'elle vient de Dieu? » Oui, c'est possible. Cela peut sembler difficile à croire et même difficile à imaginer. Comment et pourquoi Dieu serait-il impliqué dans ces choses? Mais nous devrions plutôt nous poser la question suivante. Quel but Dieu poursuit-il? Car il le dit plusieurs fois, entre autres dans Ésaïe, chapitre 55, verset 8. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » Et même si nous n'aimons pas identifier Dieu comme la source de nos épreuves, il l'est quelquefois. Mais rappelons-nous bien de ceci. Il n'est jamais la source de nos peines pour nous blesser ou pour nous faire du mal. Il sera toujours la cause d'une épreuve qui nous aide à grandir, nous fortifiera, nous sanctifiera et nous rendra aptes à mieux le servir. Si Dieu est derrière une épreuve, c'est toujours pour notre bien et pour sa gloire. Toujours. Il n'intervient jamais dans notre vie pour nous blesser ou nous faire du mal. Il doit parfois nous corriger, mais jamais nous blesser ou nous faire du mal. Le but de sa correction est de nous aider à mûrir spirituellement. En résumé, nos épreuves trouvent parfois leur origine dans les desseins de Satan. D'autres fois, nous en sommes les seuls responsables. Et enfin, Dieu en est parfois l'ultime cause. Troisièmement, dans quel but sommes-nous éprouvés ainsi? J'entends encore des gens murmurer « Oh, je ne suis pas si sûr que Dieu en est la cause. » Tournons dans le livre des psaumes. Le roi David a écrit de nombreux psaumes, et s'il existe un personnage de l'Ancien Testament qui a écopé de sa large part d'épreuves, c'est bien lui. Nous pouvons donc nous fier à son expérience. Dans le psaume 7, en partant du verset 10, nous lisons « Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste. » « Toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. » Et le verset 11, « Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. » Dieu sonde le cœur, ce qui veut dire qu'il nous éprouve. Il décrit également le Dieu qui sonde et qui éprouve les cœurs dans le psaume 17, verset 3. Si tu sondes mon cœur, et si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Le nombre de fois où Dieu nous sonde et nous éprouve peut varier d'une personne à l'autre, mais il le fait pour nous tous. Rappelons-nous bien ceci pendant que nous tournons dans le psaume 119. Nous commençons à lire à partir du verset 67. Lisons le psaume 119, verset 67. « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. » Personne n'aime à être humilié. C'est le genre d'expérience dont nous nous passerions volontiers. Et pourtant, regardez ce qui est arrivé au verset 71. « Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. » Et maintenant, le verset 75. « Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. » Il doit se trouver une intention divine derrière ses souffrances et ses épreuves. Je sais que ce n'est peut-être pas facile à accepter de prime abord de découvrir, premièrement, que nous devons nous attendre à souffrir. Deuxièmement, de découvrir que la source de nos épreuves n'est pas seulement Satan ou nous-mêmes, mais parfois également Dieu. À présent, on apprend que Dieu poursuit un objectif quand il autorise les souffrances et les épreuves dans nos vies. Cela est beaucoup demandé, je le sais, surtout pour ceux d'entre vous qui vivent présentement de cruelles afflictions. Mais restez avec moi, vous ne le regretterez pas. Quel but Dieu peut-il poursuivre en nous faisant vivre des temps de souffrance et des moments de difficulté? Comment peut-il se trouver derrière tout cela? Posons-nous la question. Quelles sont ses intentions? Premièrement, son premier objectif est de nous purifier. C'est toujours un des objectifs ultimes qu'il poursuit en permettant des épreuves dans notre vie. Posons-nous maintenant cette autre question. Quelle est notre réaction lorsque ces épreuves surviennent dans notre vie? Nous réagissons principalement de deux façons. Soit l'épreuve nous rapproche de Dieu, soit elle nous en éloigne. En admettant que la purification soit le but de l'épreuve, comment cela fonctionne-t-il? Lorsque nous traversons une épreuve ou que nous faisons face à un problème, nous sommes poussés vers Dieu. Et que se produit-il quand nous sommes poussés vers Dieu? Nous commençons à le voir plus clairement, car nous nous concentrons sur lui. Et en nous concentrant sur lui, nous commençons à nous voir nous-mêmes. Et quand nous commençons à nous voir nous-mêmes, que se produit-il? Quand nous commençons à nous voir nous-mêmes au milieu de notre épreuve, Dieu, de sa façon merveilleusement patiente, fait remonter à la surface certains aspects de notre personnalité qui ne sont pas trop reluisants. Il s'agit d'aspects dont nous ignorions la présence, des aspects que nous n'avions jamais vus auparavant. Et même si quelqu'un nous en avait glissé mot, nous ne pouvions ou nous ne voulions pas les voir. Mais maintenant, Dieu nous les montre. Et nous pensons, « Ô Seigneur, d'où cela vient-il? » Or, ils avaient toujours été là. Et alors que nous sommes poussés vers Dieu et que nous nous mettons à voir les choses selon sa perspective, nous commençons à nous voir d'un œil différent. En poursuivant ce cheminement, nous nous retrouvons souvent à nous confesser et à nous repentir de certaines actions, attitudes ou comportements que nous n'aurions jamais pu repérer autrement. Nous ne savions pas que tout cela existait en nous. Nous ne les avions jamais ressentis, ni vus, et nous n'avions pas écouté les gens qui avaient essayé de nous en parler. Quelquefois, la seule manière de faire remonter à la surface tous ces déchets est l'épreuve. Le feu purificateur des temps pénibles nous conduit à Dieu, nous incite à le regarder. Et en le regardant, nous commençons à nous voir nous-mêmes et ces vilaines choses remontent à la surface. 3 ou 4 mois avant la mort de ma mère, j'étais dans mon temps de prière et j'avais auprès de moi mon petit calepin où je note mes requêtes. Et pendant que je priais et que je parlais au Seigneur, soudainement, une phrase jaillit dans mon esprit. L'œuvre purificatrice de la souffrance. Ma première réaction, après des années de vocation pastorale, a été de penser que cela ferait un formidable sujet de prédication, et je me suis dépêché de le noter dans mon calepin. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que Dieu ne voulait pas me livrer un sujet de prédication à ce moment-là. Il me donnait une parole de prophétie. Il me préparait au temps de souffrance à venir en me faisant voir à l'avance l'œuvre de purification qui en découlerait. La douleur, librement acceptée, procure un effet de purification extrême. Poussés vers Dieu, nous recevons un aperçu de nous-mêmes qu'aucun genre de plaisir ou d'atmosphère relaxante ne pourra jamais procurer. Certaines choses doivent absolument être révélées par la douleur, la souffrance, la peine, les problèmes, les tribulations et leur œuvre de purification. Prenons maintenant le temps de lire un passage du livre de Daniel au chapitre 3. Il raconte l'histoire des exilés d'Israël qui ont été jetés dans l'énorme fournaise de feu. La plupart des enfants l'ont appris à l'école du dimanche, mais de nombreux adultes ont besoin qu'on leur rappelle. On retrouve Shadrach, Meshach et Abednego, alors qu'ils refusent de se prosterner devant la statue d'or du puissant roi babylonien Nebuchadnezzar. Le souverain, rempli de fureur, ordonne qu'on attache les trois rebelles et qu'on les jette dans l'énorme fournaise ardente. Je vous fais remarquer qu'ils sont tous trois attachés. Daniel, chapitre 3, à partir du verset 21. Ces hommes furent liés, vêtus de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. La flamme de la fournaise était si chaude que les gardes du roi chargés de jeter les trois hommes dans la fournaise sont tous morts en exécutant les ordres du roi. Verset 23. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Sautons verset 25 et remarquons bien ce qui est écrit. Il, en parlant du roi, reprit et dit, « Eh bien, « je vois quatre hommes sans liens qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez !» Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Avez-vous remarqué la seule chose que Shadrach, Meshach et Abednego ont perdue dans le feu? Il s'agit de leurs liens. Seules les cordes qui les attachaient ont été brûlées par le feu. La seule chose qu'ils ont perdue est ce qui les maintenait prisonniers. Ils sont sortis sans la moindre brûlure et sans même une légère odeur de feu. C'est une des raisons pour laquelle Dieu nous met dans la fournaise. Il veut brûler les liens qui nous retiennent prisonniers et pour nous en libérer. L'objectif poursuivi par Dieu lorsqu'il nous envoie des épreuves est de nous purifier et de nous libérer. Dieu veut nous libérer des choses qui nous alourdissent et nous attachent à la terre. Et souvent, nous ne prenons même pas conscience de ces liens, et nous nous croyons aussi libres que nous pouvons l'être. Nous ne reconnaissons pas la domination spirituelle et la domination émotionnelle qui nous maintiennent prisonniers. Nous faisons face à des choses que nous préférions éviter, dont nous ignorons même jusqu'à l'existence. Nous faisons des détours pour ne pas les rencontrer. Nous aimons penser que nous sommes libres comme l'air en tout temps. Nous pensons que tout va bien et que la vie est merveilleusement belle, mais tout n'est pas si merveilleux. Nous sommes absolument liés, spirituellement et émotionnellement ligotés. Or, l'épreuve du feu nous libère si nous décidons d'y réagir de la bonne manière. Un des objectifs principaux de l'épreuve est donc de nous purifier. Et si vous prenez l'enseignement d'aujourd'hui à cœur, je puis vous garantir ceci. Toute personne qui aura entendu ce message pourra vous le rappeler pour que vous puissiez l'appliquer dans votre vie. Nous aurons tous cette occasion de le mettre en pratique, car nous vivons tous des temps de tourments et d'épreuves. Vous avez le choix. Vous pouvez soit réagir correctement et vous trouver béni, soit répondre de la mauvaise façon et perdre la bénédiction de Dieu. Pensez-y bien. Pourquoi traverseriez-vous tous ces tourments et ces épreuves, tout ce feu, sans avoir le privilège d'en sortir avec une bénédiction? Pourquoi tant souffrir si cela ne sert à rien? Écoutez-moi bien. Si vous n'avez jamais fait confiance en Jésus-Christ comme votre Sauveur, vous avez perdu beaucoup et vous perdrez encore plus. Vous perdrez ce qu'il y a de plus précieux dans la vie, votre capacité de vivre pleinement. Et si vous mourrez sans Christ, vous serez séparés de lui pour l'éternité. Pensez-vous que les chrétiens sont malheureux et qu'ils rencontrent beaucoup de difficultés? Regardez qui nous avons pour nous accompagner à travers nos épreuves. Nous n'avons pas besoin de drogue ni d'alcool. Nous n'avons qu'à faire de ces poisons. Il nous suffit d'avoir Dieu à l'intérieur de nous pour être forts. Car nous savons qu'il nous soutiendra à travers les bons et les mauvais jours. Dieu ne nous a jamais promis de nous mettre à l'abri des revers de fortune, mais il utilise chacun de nos épisodes de difficultés pour nous former et nous mouler à l'image de son Fils Jésus-Christ. Aujourd'hui, Charles Stanley nous a rappelé qu'une réponse adéquate est essentielle pour tirer un plein bénéfice de nos temps d'épreuve. Dieu peut utiliser tout ce qui nous arrive pour réaliser son objectif ultime. Même les situations qui nous causent le plus de douleur et de peine peuvent être utilisées par le Seigneur pour nous faire mûrir. Si vous faites face à des difficultés insoutenables, rappelez-vous que Dieu travaille en vous. Vous trouverez un encouragement dans les paroles de la première épître de Pierre, chapitre 1, à partir du verset 6. « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » L'émission d'aujourd'hui vous a plu? Vous aimeriez en savoir plus? Aujourd'hui, l'Espoir offre aux assoiffés de la source de vie qui est en Jésus-Christ une occasion unique de parfaire leur connaissance de la Bible. Vous pourrez suivre ces cours sans avoir à vous déplacer dans le confort de votre foyer. Téléphonez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou allez sur notre site Internet www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en Contact et une production de Radio Espoir.